I can't close my eyes. Si vous êtes toujours là, vous avez passé pour l'instant une bonne soirée. On va continuer avec Joy Division, Isolation, de l'album Closer en 1980, et The Cure pour le morceau Close Down de 1989. Bonjour. Bonjour. Combien on vous paye pour venir ici? Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Gérald. Eh bien, Gérald, je pense que tu as peur. Vous dites ce genre de truc pour qu'on achète votre bouquin, parce que il faut que je vous dise si c'est le cas, c'est une des pires remarques que j'ai jamais entendues. Tout cela est affligeant, tu ne trouves pas? Tu veux que ta sœur perde du poids? Dis-lui de descendre du canapé, d'arrêter de manger des Twinkies, et peut-être d'aller faire un peu de hockey sur gazon. Et toi, je vais te dire, personne ne sait jamais à l'avance ce qu'il va faire quand il sera grand. Tu vois, ça demande un tout petit peu de temps pour arriver à le découvrir, pas vrai, Jim? The person I am. La soirée est bien entamée, alors continuons là tranquillement avec Gravestone, I Love the Night, Back to Attack, ça c'est le nom de l'album, de 1985, et Riot, Black Laser and Glittering Steel, extrait de l'album The Privilege of Power, l'année 1990. Santé. Merci. Hein. Puis bonne chance surtout. Ah, elle vous chante santé. Santé. I love you. Continuons cette aventure musicale avec Halloween, Ride to Sky, extrait de l'album Treasure Chest de 2002. Et un petit Iron Maiden, ça fait pas de mal à personne. Halloween by the Name, extrait de l'album The Number of the Best de 1982. J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Vous deux, vous faites tout ce que vous voulez quand vous en avez envie et je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, c'est d'avoir un... Tu ne te plains jamais? Ah, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue. On ne t'entend jamais, mais t'arrêtes pas de te plaindre. Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi. Ça, c'est la meilleure de l'année, j'en hurle de rire, je vais m'étouffer. We'll be right back. When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. Time for me. L'émission touche à sa fin. Je vous laisse avec un petit bonus. Oak, Arkansas, Moonshine Sonata, Eye and the Hog de 1973. Vous voyez, comme toujours, mon anglais, c'est de la merde. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Je me fais plaisir à vous partager de la musique. Je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite, ami auditeur, une très bonne soirée. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas que la musique... Et n'oublie pas une chose, que la musique soit avec toi et avec ton esprit. Amen. Ah!